Yeah. C'est carré, tu casses barré. Laisse un tranquille souvenir, j'pars conquérir l'avenir. Cœur gelé, ça rend taré. Encore un soupir, mais pas le temps pour les regrets. Seul l'effort sentir, j'anticipe le jour d'après. C'est carré, tu casses barré. Laisse un tranquille souvenir, j'pars conquérir l'avenir. Cœur gelé, ça rend taré. Encore un soupir, mais pas le temps pour les regrets. Seul l'effort sentir, j'anticipe le jour d'après. Je sais pas par où commencer, peut-être un soir de juillet. J'suis pas choups de la cahier, dans ma vie elle est rentrée. Et jamais j'oublierai, même si les chemins sont séparés. Dur de réparer quand son passé s'est accaparé. Apparemment je suis un chic type, cherche pas l'amour sur TikTok. Et j'élabore aucune tactique pour qu'elle finisse devant ma porte. Rien à foutre de plaire aux autres, à ses côtés je voulais être. Mais le mec du psy au pot, je peux faire mal sourire sur tes lèvres. On se sait depuis le début, désolé j'ai pris du retard. Résultat je suis parti comme je suis venu avec le cœur tout noir. On se sait depuis le début, désolé j'ai pris du retard. Résultat je suis parti comme je suis venu avec le cœur tout noir. C'est carré, puis casse barré. Laisse accomplir de souvenirs, je pars conquérir l'avenir. Cœur gelé, ça rend taré. Encore un soupir, mais pas le temps pour les regrets. Seul l'effort sentir, j'anticipe le jour d'après. C'est carré, puis casse barré. Laisse accomplir de souvenirs, je pars conquérir l'avenir. Cœur gelé, ça rend taré. Encore un soupir, mais pas le temps pour les regrets. Seul l'effort sentir, j'anticipe le jour d'après. Je regrette rien et je garde tout. J'ai appris que le quotidien reste toujours flou. À l'abri de rien, la cible de tout. J'en voudrais jamais, ouais on s'est pas fâché. Mais je préfère me protéger, comprends plutôt que plus m'attacher. Même si ce sera plus compliqué de l'être plus. En respect, je reste le mec avec bac plus. Quitte à tout donner, même plus. La vie c'est pas malgré les sentiments. Je reste sur mes gardes car j'ai appris que l'amour devient un continent. T'auras toujours une grande place dans ma cage thoracique. Et quand tu te regardes devant la glace, dis-toi que t'es une personne magnifique. Ça n'empêche pas ce que je pense, je dis tout ce qu'on s'est dit. Rosine est fière de toi là-haut, alors vas-y s'il te plaît souris. C'est carré, puis casse barré. Laisse accomplir de souvenirs, je pars conquérir l'avenir. Cœur gelé, ça rend taré. Encore un soupir, mais pas le temps pour les regrets. Seul l'effort sentir, j'anticipe le jour d'après. C'est carré, puis casse barré. Laisse accomplir de souvenirs, je pars conquérir l'avenir. Cœur gelé, ça rend taré. Encore un soupir, mais pas le temps pour les regrets. Seul l'effort sentir, j'anticipe le jour d'après.